إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on est arrivé aujourd'hui à notre cours numéro 5 dans la lecture de cette risala du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah, avec le sharh du Cheikh Mohammed Bazmoul de risala fi risalatun fi tawhid al-ibadah. Et donc hier on a expliqué des choses qui ont rapport avec yani l'explication de yani tawhid al-ibadah et le fait que d'affirmer al-Rububiyya, c'est pas suffisant. Il faut que notre yani tawhid soit complet. Et pour qu'il soit complet, il faut affirmer et croire en toutes les catégories de tawhid. Et la plus importante d'entre elles, c'est bien entendu tawhid al-Ibada, puisque c'est l'application du tawhid. Hein? Tawhid al-Rububiyya et tawhid al-Asma wa Sifat, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la connaissance de ses noms, de ses attributs et de ses actions. Mais tawhid al-ibada, c'est l'aspect du tawhid qui implique que nous on mette en application cette connaissance qu'on a d'Allah subhanahu wa ta'ala, en faisant en sorte que toutes les formes d'adoration qu'on fait soient uniquement dirigées et offertes à Allah seul, et de se détourner hein, et refuser et rejeter tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est comme on a expliqué l'importance de comprendre la vraie signification de la ilaha illallah et du tawhid, et que la base et le plus important, c'est tawhid al-ibada. Et donc on a mentionné des exemples à ce sujet-là, et le cheikh il dit fa'ida kana al-arab yuqirruna bi wujudillah وأنه الخالق الرازق المحيي المميت وكان فيهم من ينكر البعث بعد الموت وقد ألزمهم الله سبحانه وتعالى بإقرارهم بأنه الخالق الرازق في الابتداء على قدرته على البعث بعد الموت في الانتهاء. Donc le cheikh il donne comme un point bénéfique une petite mention en passant, yani il explique que les arabes à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les Arabes qui étaient des mouchrikoun à cette époque-là, ils acceptaient et ils croyaient en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils croyaient que Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, celui qui fait vivre, celui qui fait mourir, celui qui donne la subsistance. Et ils affirmaient et ils acceptaient ces choses-là sans problème. Toutefois, certains d'entre eux refusaient de croire en la résurrection après la mort. Certains d'entre eux refusaient d'accepter que les hommes allaient être ressuscités après leur mort. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, dans plusieurs versets dans le Coran, leur impose de croire en la résurrection, justement en argumentant à partir du fait qu'ils reconnaissent que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur et le pourvoyeur. Donc si on croit réellement que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le créateur et le pourvoyeur et que c'est lui qui a le pouvoir de toutes choses, eh bien dans ce cas-là, il n'y a rien qui nous empêche de croire que Allah subhanahu wa ta'ala est capable de faire revivre les corps après la mort. et de les ramener à la vie. Donc ça c'est un exemple de ça dans Sourate Yassin. Le Cheikh il mentionne les versets 77 à 83 dans Sourate Yassin, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانَ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Donc dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala il répond aux mushrikin qui nient par exemple la résurrection après la mort, et il leur mentionne différentes preuves et différentes choses qui viennent confirmer que Allah subhanahu wa ta'ala il est tout puissant et qu'il a le pouvoir de les faire revivre, parce que certains d'entre eux ils disaient comment Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien comment pourrait-on revenir alors qu'on est devenu de la poussière. Et Allah subhanahu wa ta'ala leur répond en leur disant que déjà à la base l'être humain il est créé à partir d'une goutte de sperme. Donc a-t-il oublié ça? Alors si Allah subhanahu wa ta'ala était capable de les faire vivre à partir de rien au départ, donc comment est-ce que ce serait difficile pour lui de les faire revivre à partir de la poussière qu'ils ont laissée après s'être désintégrés dans la terre? C'est encore plus facile que de les créer à partir de rien. Et donc il donne des exemples de ça dans ce verset-là pour les convaincre à partir de Ar-Rububiyya, des arguments de Ar-Rububiyya. Donc maintenant on va passer à la suite des paroles du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le Cheikh il dit قال المصنف رحمه الله فإذا عرفت هذا وعرفت أن دعوتهم الصالحين وتعلقهم عليهم أنهم يقولون ما نريد إلا شفاعة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليخلصوا الدعوة لله ويكون الدين كله لله وعرفت أن هذا هو التوحيد الذي أفرض من الصلاة والصوم ويغفر الله لمن أتى به يوم القيامة ولا يغفر لمن جهله ولو كان عابدا وعرفت أن ذلك هو الشرك بالله الذي لا يغفر الله لمن فعله وهو عند الله أعظم من الزنا وقتل النفس مع أن صاحبه يريد به التقرب من الله. Donc le Cheikh il explique maintenant, après avoir expliqué qu'est-ce qu'on a mentionné dans les cours précédents du fait de l'interdiction d'invoquer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et d'affirmer que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite d'être adoré, puis par la suite le fait que les gens à l'époque faisaient le shirk en prenant des intermédiaires entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala, donc que c'était ça la base de leur shirk, malgré qu'ils reconnaissaient la foi en l'existence d'un créateur et d'un maître tout puissant, et que ça n'a pas fait d'eux des musulmans et des croyants, puisqu'ils ont continué à prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah dans l'adoration. Maintenant, le Cheikh il dit, lorsque tu as compris ça et que tu as su cette chose-là comme il faut, maintenant tu sais très bien dans ce cas-là que leur shirk, c'était le fait qu'ils invoquaient des hommes pieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils s'accrochaient à ces awliya et à ces hommes pieux en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en disant nous ne voulons d'eux que l'intercession. Ils ne disaient pas ce sont des créateurs, ce sont des maîtres de l'univers, ils ne croyaient pas ça. Ils savaient très bien que ces idoles qu'ils adoraient n'ont rien créé, sauf qu'ils les prenaient, comme on a dit, comme des intermédiaires et des intercesseurs. Et malgré ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus pour qu'ils abandonnent hein, le fait de les invoquer en dehors d'Allah, et pour qu'ils purifient leur religion, pour que la religion soit entièrement pour Allah seul. Et donc, une fois que tu as compris comme tout ce qu'on a expliqué, tu sais maintenant que c'est ça le tawhid. C'est-à-dire, le tawhid, c'est de purifier ton invocation et ton adoration, pour que ton adoration soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ça, c'est plus obligatoire pour toi que la prière, la salat. Et c'est encore plus obligatoire que le jeûne également. Et que celui qui a établi le tawhid, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque cet individu qui a établi le tawhid arrive devant Allah au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Tandis que la personne qui a adoré d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ne lui pardonne pas, hein, pour avoir ignoré cette base de la religion, ce tawhid-là, même si c'était quelqu'un qui était considéré comme étant un adorateur, quelqu'un qui était considéré comme étant quelqu'un de pieux. Hein. Donc, ça c'est très important de le comprendre. Et le cheikh il dit, et également, lorsque tu as su tout ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, eh bien tu as compris également que, c'est-à-dire que c'est ça le shirk, le fait d'invoquer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça c'est un péché que Allah ne pardonnera à personne qui l'a commis. Allah ne pardonnera pas le shirk à celui qui l'a commis. Et que ce péché-là, c'est-à-dire le péché du shirk, c'est plus grave que le zina, c'est plus grave que le meurtre, hein, malgré que la personne qui le commet s'imagine être en train de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez, quelqu'un qui commet le plus grand des crimes et le plus grand des péchés et qui pense qu'en le faisant, il se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est l'égarement total. Hein. Et aujourd'hui, les hommes, sur la terre, la plupart d'entre eux, ils considèrent que le plus grand crime, les plus grands crimes, c'est les crimes que le cheikh a mentionnés. Par exemple, le zina, même certains kuffars, ils considèrent même pas le zina comme étant un crime aujourd'hui. Ils l'ont rendu halal. Hein, ils pensent que le zina, c'est normal. Hein, malgré que c'est un grand crime dans l'islam. Hein, punissable de mort. Hein, si quelqu'un a commis le zina alors qu'il est marié, il est puni par la lapidation dans la charia de l'islam. Hein, ça c'est quelque chose qui est confirmé dans la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même dans le livre des juifs et des chrétiens, c'est quelque chose qui est confirmé dans leur livre à eux aussi. La lapidation, elle est écrite, hein, elle est inscrite dans leur livre à eux-mêmes. Hein. Donc ça c'est juste pour donner un exemple que certains de ces crimes-là, pour eux, c'est même plus des crimes. Et le meurtre, ça, ils reconnaissent que c'est un grand crime. Et peut-être que pour eux, le meurtre, c'est le plus grand des crimes. Hein? Ou bien d'autres crimes aussi qu'on connaît, comme par exemple zina, ou riba, ou boire de l'alcool, ou manger du porc. Pour certains musulmans, c'est ça les plus grands péchés. Hein? Ils pensent que c'est ça les plus grands péchés. Pourtant, le plus grand de tous les crimes, et le plus grave de tous les crimes, c'est le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc quand quelqu'un, des fois tu parles avec des gens, tu leur dis que des gens ont commis le shirk, ils prennent ça comme si c'était rien, comme si c'est pas grave. Puis si tu leur mentionnes quelqu'un qui a commis un meurtre ou qui a fait le zina ou qui a fait un viol, ils disent ah ça c'est grave. Hein? Et donc ça veut dire que les gens n'ont pas compris la réalité du danger et de la gravité de ce que représente le shirk. Hein? Et je me souviens, une fois, je discutais avec un frère, on discutait dans la mosquée, et je lui mentionnais des exemples de qu'est-ce qui se passait dans certains pays musulmans qui font des mawasim, ils organisent qu'est-ce qu'on appelle des mawasim, c'est comme des périodes de l'année où ils font une sorte de festival autour de la tombe d'un wali, hein, et ils font ça dans différentes villes, dans certains pays musulmans, là où il y a la tombe d'un wali, ils ont construit par-dessus une zaouia ou bien une koubba ou bien une tombe ou quelque chose comme ça, et puis ils vont là-bas. Et il y a un festival qui est organisé autour de ça. Souvent c'est à la période de la naissance, hein, l'anniversaire de ce wali, ils font une fête pour lui, puis ils organisent toutes sortes de festivités. Puis parmi ces festivités-là, il y a du shirk qui sont pratiqués. autour de la tombe de ce cheikh. Soit les gens vont aller faire le tawaf autour, ils vont aller passer leurs mains sur la tombe pour chercher la baraka, et ils vont demander ou invoquer à ce wali des choses, ou bien ils vont égorger des animaux ou des choses comme ça, comme pour se rapprocher de ce wali, demander des faveurs et des vœux. Donc ça, c'est des exemples. Donc je mentionnais ces choses-là et je disais ça, regardez, hein, subhanallah, du shirk qui se passe dans les pays musulmans. Et le frère, il a dit, tu sais, il y a pire que ça. Hein. Je dis, ah oui, qu'est-ce qu'il y a de pire? Il m'a dit, ils font même le zina là-bas. J'ai dit, subhanallah. Il dit, le shirk, c'est beaucoup plus grave que le zina. Parce que si quelqu'un meurt et qu'il a, par exemple, été sur le tawhid, hein, et qu'il meurt sans se repentir d'un grand péché qu'il a commis, comme par exemple le zina ou autre, et qu'il meurt comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala peut le pardonner s'il veut et le faire entrer dans son paradis par sa miséricorde directement. Ou bien, s'il veut également, il peut le mettre en enfer pour un certain nombre de temps, puis le faire sortir par la suite par l'intercession des messagers. Hein. Mais celui qui est mort sur le shirk sans se repentir, eh bien lui, il n'a aucun espoir. S'il rentre, il rentre en enfer, il n'a aucun espoir de sortir de l'enfer jamais. Hein. Même s'il n'a jamais fait de grands péchés comme le zina ou boire de l'alcool ou tuer ou voler, il a été toute sa vie honnête, mais il a toute sa vie, il a adoré d'autres que Allah. Et il a fait le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala, et bien lui, il a commis le plus grand péché qui ne peut pas être pardonné. Hein? Donc c'est pour ça qu'il faut bien comprendre la différence entre les grands péchés et le shirk. Hein? Et que c'est, le shirk est le plus grave de tous. Et que les autres péchés par rapport au shirk ne sont rien, hein, ni par rapport au shirk. Hein? Donc, après avoir expliqué ces petits détails, le cheikh maintenant, le cheikh Bazmoul, il donne des exemples et il clarifie. Il dit, « At-tawhidu thalathatu anwa'a. Tawhidu al-uluhiyya, wa tawhidu al-rububiyya, wa tawhidu al-asma'i wa sifat. Wa shirku yuqabilu al-tawhid. » Donc, le cheikh, il explique, il dit que le tawhid, il est divisé, comme on l'a expliqué dans les premiers cours, en trois catégories. Tawhid al-rububiyya, donc le cheikh il mentionne en premier al-uluhiyya, donc c'est tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire le tawhid ou l'unicité d'Allah dans l'adoration, hein? Et le deuxième c'est tawhid al-rububiyya, c'est-à-dire l'unicité d'Allah dans la souveraineté et dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala est le seul maître, le seul créateur, le seul pourvoyeur, celui qui fait vivre et qui fait mourir et qui contrôle tout dans l'univers. Ça c'est cette catégorie de tawhid. La troisième c'est l'unicité d'Allah dans ses noms et dans ses attributs. D'accord? Et le cheikh explique que le shirk, c'est tout ce qui s'oppose au tawhid. Donc, dans chacune de ces catégories du tawhid, il y a une forme de shirk qui s'y oppose. C'est-à-dire qu'il y a une forme de shirk, il y a le tawhid al-uluhiyya et il y a le shirk dans al-uluhiyya. C'est-à-dire, il y a le tawhid, l'unicité dans l'adoration d'Allah. C'est-à-dire de faire en sorte que notre adoration soit seulement pour Allah. Puis il y a le shirk dans l'adoration, bien entendu, c'est d'offrir notre adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala. Dans al-rububiyya, le tawhid, al-rububiyya, c'est d'affirmer que seulement Allah subhanahu wa ta'ala est le créateur, hein, et le pourvoyeur et le maître. Et il y a le shirk dans al-rububiyya également. C'est, hein, comme le cheikh il va donner des exemples, d'affirmer, par exemple, si quelqu'un affirme qu'il y a un autre créateur avec Allah, ou bien que Yahani, par exemple, qu'il y a d'autres qui donnent le risque en dehors d'Allah ou qui contrôlent l'univers avec Allah ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples de shirk dans al-rububiyya, et on va donner des exemples aussi par rapport à qu'est-ce qui se fait dans d'autres religions et d'autres croyances, ou même parmi certaines sectes ou certains groupes de ceux qui se disent musulmans qui ont aussi des idéologies ou des pratiques religieuses qui s'opposent à ces catégories de tawhid. Puis il y a également le tawhid dans les noms et les attributs d'Allah, puis il y a le shirk dans les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans chacune de ces catégories de tawhid, il y a des formes de shirk qui s'y apparentent. D'accord? Et le cheikh dit, فالشرك الذي يقابل توحيد الربوبية أن تعتقد أن هناك من يتصرف في الكون غير الله. فإذا اعتقدت ذلك أشركت بالله شركا أكبر من جهة توحيد الربوبية. فمن اعتقد أن في الكون من يخلق غير الله أو يحيي أو يميت غير الله أو يرزق غير الله أو بيده النفع أو الضر غير الله أو ينزل الغيث غير الله أو يتصرف في الكون بغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله في ربوبيته شركا مخرجا من الملة. Donc le cheikh il explique que il y a dans ar-rububiyya, dans tawhid ar-rububiyya, il y a yani ce qui s'y oppose dans différentes formes de shirk, et ça consiste à croire par exemple que il y a quelque chose qui contrôle l'univers autre que Allah. Donc si quelqu'un croit qu'il y a quelque chose qui contrôle dans l'univers autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors cette personne elle a commis shirk fi rububiyya. Ou bien donc si tu crois ça, bien entendu c'est une forme de shirk majeur, shirkan akbar yukhrij min al-milla. Et donc il donne l'exemple, si quelqu'un croit qu'il y a un autre créateur dans l'univers autre que Allah qui crée, ou bien quelqu'un d'autre que Allah qui peut faire vivre ou qui peut faire mourir, ou qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut donner la subsistance autre que Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que quelqu'un d'autre détient le pouvoir de profiter ou de nuire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien que quelqu'un d'autre que Allah subhanahu wa ta'ala a le pouvoir de faire descendre la pluie ou de faire une d'entre les actes et d'entre les actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si quelqu'un essaie de prétendre qu'il y a d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle ces choses-là, il a commis le shirk dans ar-rububiyya, et ça c'est une forme de shirk bien entendu qui fait sortir de l'islam. D'accord. Et dans cette catégorie-là, bon, il y a, vous allez voir, il y a beaucoup d'exemples de choses qui opposent, qu'on retrouve chez certains parmi les koufars et certains parmi les gens qui se disent musulmans parfois, mais qui ont des croyances par rapport à ces choses-là qui les font sortir de l'islam. Comme par exemple, bien entendu, les chrétiens qui disent que Dieu est trois en un. Ils disent qu'il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et ils croient que ces trois-là sont Dieu. Donc ils attribuent à Isa la divinité, et le Saint-Esprit, on sait que c'est Jibril alayhi salam. Donc eux, ils l'ont élevé à un niveau de divinité lui aussi. Et aussi certains d'entre eux ont même élevé la mère de Isa, Maryam, au niveau de déesse, ou même ils l'appellent la mère de Dieu. Et quand ils font leur dua, ils disent: Sainte Marie, mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Donc ça c'est des formes de shirk dans Rububiya, et en plus dans Al-Uluhiya, puisqu'ils lui offrent des invocations, ils lui demandent de prier pour eux alors qu'elle est décédée, elle est déjà morte. Donc c'est pas possible de lui offrir des doa ou des invocations. Et ça c'est le plus grand crime que quelqu'un peut faire. Donc ça c'est un exemple. Et dans les autres croyances et les autres religions aussi, vous trouvez plein d'exemples de shirk dans Rububiya, dans leur compréhension de Dieu ou de ce que représente Dieu pour eux. Et également parmi les gens qui se disent musulmans, il y a des formes de shirk dans cette catégorie. Et comme par exemple ceux qui, par exemple parmi les soufiïnes, croient qu'il y a ce qu'on appelle Rijalul Ghaib, ils croient que ce sont des êtres invisibles ou des hommes invisibles, et que ces hommes-là contrôlent l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils forment comme un genre de pyramide, qu'il y a différents degrés parmi eux, puis qu'à la tête d'eux il y a celui qu'on appelle Al-Qutb, ou bien Al-Rawf, ils l'appellent parfois Al-Rawf, ou bien ils l'appellent Al-Qutb, et certains parfois l'appellent Qutbul Qutb, le Qutb ça veut dire le pôle, et ils croient que c'est lui qui contrôle l'univers, et que quand il y a un malheur ou une détresse, c'est à lui qu'il faut demander le secours. Et donc c'est pour cette raison-là que vous allez trouver chez certains de ces soufiïnes, lorsqu'ils ont un malheur, au lieu d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, ils vont invoquer le wali, ou le cheikh de la tariqa, alors qu'il est mort, et même s'il est vivant, il n'est pas permis de l'invoquer à ce moment-là, puisqu'il n'y a rien qu'il peut faire pour quelqu'un s'il est à des kilomètres. Hein. Et donc, on voit par exemple que ils ont cette notion-là de croire qu'il y a des hommes qui sont invisibles et qui gèrent le monde et qui contrôlent le monde. Et ces croyances-là sont mentionnées dans les livres des soufis. Et c'est pas des choses qu'on invente à leur sujet, c'est des choses qu'ils croient réellement, c'est des choses dans lesquelles ils croient réellement, et dans la plupart des turuq, il y a ces notions-là. Et donc ils disent que le wali, ou le cheikh, quand il a atteint un certain degré de spiritualité qui est devenu tellement important, eh bien c'est ça, il devient le qutb. Il y a plein de shuyukh soufiyin qui ont prétendu pour eux-mêmes être ou avoir atteint ce degré-là. Et un des derniers à l'avoir prétendu, c'était bien entendu Ahmed Tijan, le fondateur de la tariqa qu'on appelle la tariqa Tijaniya. Et il y en a d'autres avant lui, il y en a d'autres après lui aussi qui ont prétendu ces choses-là. Et bien entendu, c'est comme on a expliqué, c'est des formes de shirk dans Ar-Rububiyya. Et la plupart de ces turuq, ils ont aujourd'hui ces croyances-là. D'accord? Donc, ça c'est par rapport à qu'est-ce qu'on trouve chez les soufiyins et chez les rafidah aussi, chez Ar-Rafidah. On retrouve aussi ce genre de croyances-là. Mais eux, c'est pas à des shuyukh de turuq soufiya, c'est aux descendants du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'ils attribuent ces caractéristiques-là. Ils donnent aux 12 imams, ce qu'ils appellent les 12 imams, c'est-à-dire les descendants de Ali, radiallahu anhu, des caractéristiques divines et des pouvoirs surnaturels. Ils prétendent que ces êtres-là connaissent le ghaib et qu'ils contrôlent l'univers en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, que tous les atomes, comme Khomeini disait dans son livre Hukumat al-Islamiyya, il dit dans ce livre-là que ils ont une révérence tellement grande que tous les atomes de l'univers se prosternent devant eux et sont sous leur contrôle. Donc ça fait partie de leur aqidah, hein, et qu'ils savent quand ils vont mourir à l'avance, et c'est eux qui décident quand ils meurent. Hein, et bien d'autres croyances comme ça à propos de leurs 12 imams. Donc c'est des exemples de shirk dans Ar-Rububiyya, hein, qui les a amenés à exagérer au sujet de ces êtres-là et de les prendre comme des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah. Et c'est pour ça que vous allez trouver chez les Rafidah et chez les Soufiyins qu'ils vont aux tombes de ces êtres-là, ils les invoquent en dehors d'Allah et ils leur offrent des prières et des adorations, et ils ont construit sur leurs tombes des mosquées où ils vont prier à ces individus-là. Ils les prennent comme des dieux, hein, et des idoles en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est comme ça que le shirk s'est introduit dans la umma de l'islam, par ces deux grandes voies d'égarement, la voie des soufis et la voie des Shia. Ça, c'est les deux grandes portes d'égarement dans la Ummah de l'islam. Et tous les hérétiques et les gens d'égarement qui ont voulu propager à travers la Ummah des idées d'égarement, ils sont toujours entrés par ces deux portes, par une de ces deux portes, et parfois par les deux en même temps, hein, puisque beaucoup de Shia sont des soufiyins. Hein. Et à l'origine même, Tassawuf, beaucoup d'historiens et de savants disent que l'origine du soufisme, ça vient des Rafidah, des Shia. Donc, le cheikh, il dit ensuite que والشرك المقابل لتوحيد الألوهية أن تصرف شيئا من العبادة لغير الله فإذا تأله أي قصد أحد بعبادته غير الله سبحانه وتعالى فقد أشرك بالله شركا أكبر مخرجا من الملة وهذا الشرك الأكبر من جهة ألوهيته أو من جهة ألوهية الله سبحانه وتعالى فهو أن يصرف العبد شيئا من العبادة لغير الله فمن طاف بالقبر تعبدا للقبر أو لصاحبه فقد أشرك بالله شركا أكبر خرج به من الدين ومن ذبح للقبر أو نذر له أو لصاحبه أو طاف بشجرة معتقدا أنه يتعبد بذلك للشجرة أو لهذا القبر أو لصاحبه فقد أشرك في عبادته وكفر كفرا مخرجا من الملة. Donc le cheikh il dit, en ce qui concerne le tawhid al-uluhiyya, il y a le shirk qui s'oppose à cette catégorie de tawhid, c'est le fait d'offrir à autre que à Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration. Donc lorsque quelqu'un a s'est tourné ou s'est dirigé ou a eu l'intention d'offrir une adoration à autre que Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a commis une forme de shirk majeur qui le fait sortir de la religion musulmane. Et ça c'est considéré comme une forme de shirk majeur dans l'uluhiyya, dans le fait que Allah subhanahu wa ta'ala soit le seul à mériter l'adoration. Et le shaykh il dit comme par exemple, celui qui a fait le tawaf autour d'une tombe, il s'en va là où il y a la tombe d'un wali et il commence à faire des tours pour encercler ou faire des tours autour de cette tombe, comme les hujjaj font autour de la Kaaba. Donc la Kaaba c'est une maison qui a été bâtie par Ibrahim alayhi salam ainsi que son fils Ismaïl. Et le but d'avoir établi cette maison, c'est pour l'adoration du Dieu unique, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc c'est pas une tombe. Et il n'y a aucun endroit sur terre pour lequel Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré le tawaf, excepté pour cette maison-là. Donc il n'y a pas un autre endroit sur terre où on a le droit de faire le tawaf, excepté à Mecca, excepté autour de la Kaaba. Donc si quelqu'un s'en va ailleurs et autour d'une tombe et commence à faire le tawaf autour de cette tombe en voulant vénérer ou montrer du respect à cette tombe comme on le fait autour de la Kaaba, donc ça c'est bien entendu c'est une bid'a et c'est du shirk, c'est une forme de shirk majeur. Et le cheikh il dit celui qui a fait ça bien entendu il a commis un acte de shirk qui le fait sortir de la religion, de même que celui qui va égorger ou sacrifier ou immoler un animal pour une tombe. Bien entendu, pour une tombe, lorsque quelqu'un croit que dans cette tombe il y a un homme qui est pieux ou qui est saint, et ils vont là-bas comme par respect pour cette tombe aller égorger un animal là-bas. Ou bien quelqu'un qui, par exemple, fait un vœu pour une tombe. Comme par exemple, ce que font les gens qui adorent les tombes lorsqu'ils vont là-bas pour demander au wali un service quelconque, ou une guérison, ou quelque chose. Et ils s'imposent à eux-mêmes en échange de cette demande, en disant par exemple que si jamais ce qu'ils ont demandé à cette tombe ou à ce mort se produit par la suite, qu'ils vont revenir égorger ou donner une sadaqa ou faire un acte d'adoration quelconque pour la tombe en remerciement ou en récompense. Donc ça c'est des exemples de shirk également, comme par exemple qu'est-ce qu'on appelle un nadr. Et donc également le fait de faire le tawaf autour d'un arbre. Il y en a qui croient par exemple que certains arbres sont bénis ou sont sacrés, ils croient que certains arbres vont offrir la baraka. Et des fois, par exemple, qu'est-ce qui se passe souvent, c'est quand il y a un arbre qui est près d'une tombe d'un wali, ben, il croit peut-être que ce cheikh qui est là, qui a une baraka en lui, cette baraka va rentrer dans la terre où il est enterré, puis ça va même, rentrer dans les racines de cet arbre par l'eau qui coule et puis que l'arbre va devenir mubarak, il va devenir une source de bénédiction. Donc ils vont chercher de la baraka de cet arbre et ils font le tawaf autour. Des fois c'est par rapport aux djinns aussi, il y en a qui adorent les arbres et les rochers et les pierres, ils sont dans des endroits très très éloignés, dans la montagne ou dans différents endroits pour adorer les djinns. Ils font des pèlerinages aux djinns. Ça, c'est des choses incroyables aussi. On n'imaginerait jamais que des choses comme ça puissent se produire dans les pays musulmans, mais subhanallah, dans certains pays musulmans, les gens vont faire des pèlerinages aux djinns et ils vont adorer les djinns et demander aux djinns. Et ils ont des rituels qu'ils ont inventés pour ça. hein, ils ont des rituels qu'ils ont inventés pour ça, de traverser des petites grottes, de passer à travers certains endroits ou certaines choses, yani, l'adoration des arbres, des pierres, des roches, des grottes, toutes sortes de choses comme ça bizarres, mais tout ça en fait c'est pour le djinn qui est derrière. Et il y a des groupes même dans certains pays musulmans qui basent leur, leur religion sur l'adoration des djinns. Hein? Et comme par exemple dans certains pays il y a ce qu'on appelle les gnawa. Hein? Et subhanallah, quand j'ai lu des choses sur ces gens-là qu'on appelle les gnawa, maintenant ils sont devenus populaires dans le monde à cause de leur musique. Là, c'est devenu ils participent à différents festivals dans le monde, pas seulement dans les pays musulmans, mais dans différents pays, même des pays non musulmans. Ils font des tournées, des groupes qu'on appelle gnawa. C'est devenu comme une sorte de musique maintenant, alors qu'à la base c'est une tariqa shaytaniya. Il y en a des gens qui adorent les djinns et les shayatines. Et quand j'ai lu sur eux, j'ai trouvé beaucoup de ressemblances entre eux et qu'est-ce que font les voodooisants en Haïti. Parce que bon, étant donné que mon père est d'origine haïtienne, j'ai connu beaucoup des choses par rapport au voodooisme. Et c'est des gens aussi, les voodooisants, c'est des gens qui adorent les djinns. Hein? Et comme par hasard, subhanallah, en Haïti, justement, quand ils parlent du voodooisme, ils appellent ça également le Guinée. Hein? Les Guinées. Donc, pourquoi? Parce que ça vient de la Guinée à l'origine. Et les Gnawa aussi viennent de la Guinée, c'est de là que vient le nom. Donc, c'est des pratiques qui sont inspirées du shirk et de l'adoration des djinns et des shayatines. Et franchement, il n'y a pas beaucoup de différence entre les deux. Et maintenant, même à cause de ça, en Haïti, Allah al-Musta'an, il y a des groupes qui se disent musulmans qui, justement, appellent les Haïtiens à faire, ou qui essaient de faire croire aux Haïtiens que le voodooisme fait partie de l'islam et que ça vient de l'origine de l'Afrique, ainsi de suite. Hein, ils mélangent les choses entre elles. Donc ils ne réalisent pas que ceux qui pratiquent ça parmi ceux qui se disent musulmans, bien entendu, c'est des gens qui ont dévié de l'islam. Puisque l'islam interdit le shirk, interdit l'adoration d'autres que Allah, et interdit le djinn, l'adoration des djinns, et interdit le sihr et toutes ces autres choses. Yani, le sihr, ça fait partie du shirk également. Hein? Et c'est quelque chose qui fait sortir de l'islam. Donc, ça fait partie également de ces choses-là. Donc, vous allez voir ces gens-là qui vont égorger ou sacrifier des poulets ou bien des vaches ou des moutons pour le djinn ou bien pour les awliya ou des choses de ce genre. Donc, tout ça, bien entendu, c'est du shirk. Hein? Et c'est du shirk dans l'adoration. Et celui qui le pratique, il est sorti de l'islam. Et il a rejeté la foi en la religion musulmane. Ensuite, le cheikh il dit: والشرك المقابل لتوحيد الأسماء والصفات أن يساوي العبد غير الله بالله في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. فمن جعل لله سميا في أسمائه وصفاته فقد أشرك شركا أكبر من جهة توحيد الأسماء والصفات الذي فيه إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبت له رسوله من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من الجمال والجلال والكمال فالشرك يقابل التوحيد بأنواعه. Donc le cheikh il explique qu'il y a également une forme de shirk qui vient en opposition dans le tawhid des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça consiste à mettre à égalité, c'est-à-dire que le serviteur met à égalité d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ses noms et dans ses attributs. Dans le sens que il décrit certaines créatures avec des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et avec des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui donne à des créatures des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors il a mis la créature à égalité avec le créateur. Et donc il a commis le shirk dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça aussi, ça fait partie des formes de shirk majeures. Hein? Donc celui qui ou bien parfois aussi ça peut être le contraire dans le sens que quelqu'un donne à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs de sa créature ou des attributs, des noms de sa créature, c'est-à-dire il donne à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs ou des caractéristiques de faiblesse ou d'ignorance ou qui sont des choses, des défauts, des défaillances ou bien des imperfections. Donc d'affirmer, de donner ça ou d'offrir ça à Allah subhanahu wa ta'ala, ça bien entendu c'est des exemples de shirk, comme par exemple les chrétiens qui disent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, de même que les juifs qui disent à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala que le septième jour il s'est reposé, hein. Et bien entendu Allah subhanahu wa ta'ala il ne se fatigue pas, il ne s'épuise pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit Allahu la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, hein, aucune fatigue ni sommeil ne le touche. Donc il dit wa laqad khalaqna as-samawati wal arda fi sittati ayyamin wa ma massana min lughub, hein, on a créé les cieux et la terre en 6 jours et aucune fatigue ne nous a touché. Donc Allah subhanahu wa ta'ala on ne peut pas lui attribuer la fatigue ou le sommeil ou la somnolence ou des choses de ce genre. Et les chrétiens et les juifs, eux, ont dit il s'est reposé le septième jour. Donc ça, c'est des exemples de shirk dans l'asma sifat, du fait de donner à Allah subhanahu wa ta'ala des imperfections. C'est une forme de tashbih, de faire ressembler le créateur à la créature. Hein? Et il y a aussi le fait de faire ressembler la créature au créateur, ça aussi c'est une forme de tashbih et ça rentre dans le shirk, hein? Ça rentre dans le shirk, comme par exemple les soufis qui croient que leur cheikh a la connaissance du rêve et qu'il sait ce qui est caché dans le rêve ou qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir ou des choses de ce genre. Donc ça c'est du shirk également, c'est une forme de tashbih. Et qu'est-ce qui est plus étonnant justement dans cette catégorie-là, c'est que les gens qui accusent toujours les gens d'Ahl Sunna ou le Jama'a, les gens qui suivent la voie des salafs, on les accuse, hein, ces gens-là, les gens de Bid'a, comme les Asha'ira, les Maturidiya, les Mu'tazila et les Jahmiya, et également les Ahbash aujourd'hui qui sont une nouvelle secte mais qui suivent les mêmes Bid'a que les Jahmiya, hein, ils accusent les gens d'Ahl Sunna d'être des c'est-à-dire ils les accusent, ils disent ah, vous êtes des anthropomorphistes parce que vous attribuez à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est attribué dans le Coran. Donc bien entendu ils ne le disent pas comme ça, mais la réalité c'est ça, c'est qu'ils nous blâment de dire que Allah est tel qu'il s'est décrit lui-même, hein? Comme si par exemple on dit Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, hein? Et on dit bal yadahu mabsutatan yunfiqu kayfa yasha, et on affirme ce qu'Allah s'est affirmé pour lui-même dans le Coran et dans la Sunna. Et eux, ils disent, nous sommes des mushabbiha. Et ici, vous dites qu'on est des mushabbiha parce qu'on dit ça, alors vous êtes en train d'accuser Allah subhanahu wa ta'ala d'être mushabbih. Ou vous accusez le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être mushabbih. Puisque c'est lui qui a dit ça. Hein? Donc nous, on affirme qu'est-ce que Allah a dit à propos de lui-même et qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos de lui-même, quand il dit qu'il est au-delà de son trône, nous on l'affirme, comme il l'a dit. Hein? Et ça, il n'y a pas de tashbih là-dedans, puisque nous on sait qu'il n'y a pas de ressemblance entre le Créateur et la créature. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, « Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir » Il n'y a rien qui lui ressemble, hein? Il n'y a rien qui est pareil à lui, et il est l'audient et le voyant. Donc, ça c'est, qu'est-ce qui a rapport avec yani le tawhid dans al-asma as-sifat, c'est d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala ce que Allah s'est affirmé pour lui-même, de même que son messager, qu'est-ce que son messager lui a affirmé comme nom et comme attribut de perfection, et de bien entendu de nier ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié pour lui-même et qu'est-ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam a nié. On le nie à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de ressemblance, sans faire de ressemblance et sans demander le comment à propos de ses attributs, comment essayer d'imaginer dans notre esprit comment est Allah. On n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas l'imaginer, hein? Et également sans faire de négation non plus, c'est-à-dire sans nier la réalité des attributs, de les laisser tels quels. Ensuite, le cheikh il dit donc que pour chacune des formes de tawhid, il y a une forme de shirk qui s'y oppose. Hein, parmi les différentes catégories. Et le cheikh il dit ensuite wa idha kana ash-shirku minhu akbar wa minhu asghar. Donc, il faut comprendre que il y a différentes catégories, il y a deux degrés de shirk ou de kufr. Il y a le shirk majeur et le shirk mineur. D'accord? Et ça c'est une autre distinction que le cheikh il va faire comprendre et expliquer pour chacune de ces catégories-là. Quand on parle du shirk dedans, eh bien, il faut savoir qu'il y a une catégorie de shirk quand on dit à propos de cette chose-là que c'est shirk. Il y en a une forme qui peut être une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam et une autre qui est mineure, qui fait partie des grands péchés mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Et le cheikh, il explique ce point-là, et c'est très important, donc, de bien comprendre cet aspect-là. Le cheikh, il dit, فَإِنَّ الشِّرْكَ الْأَصْغَرُ الْمُقَابِلُ لِشِرْكَ الرُّبُوبِيَّةِ لِشِرْكَ الرُّبُوبِيَّةِ الْأَكْبَرُ أَنْ يَحْصُلَ هَذَا بِالْقَوْلِ بِدُونِ اعْتِقَادٍ أَوْ أَنْ يَحْصُلَ هَذَا بِالْقَوْلِ وَالِاعْتِقَادِ بِدُونِ مُسَاوَاةٍ فَهَذَا شِرْكٌ أَصْغَرُ أما إذا حصل مع اعتقاد المساواة والتصرف الكامل فهذا شرك أكبر ومثاله من قال أمطرنا بنوع كذا وكذا أو قال فلان يتصرف بإيصال النفع أو الضر إلي وهذا شرك القول وهذا الكفر كفر أصغر. Donc le cheikh il dit que dans le shirk, dans Ar-Rububiyya, qui oppose le tawhid dans Ar-Rububiyya, il y a une catégorie de shirk qui est majeure, qu'on a expliqué, c'est-à-dire de croire qu'il y a quelqu'un d'autre dans l'univers qui contrôle avec Allah subhanahu wa ta'ala, puis il y a une catégorie qui est shirk asghar, dans Ar-Rububiyya aussi. Et en quoi ça consiste, cette forme de shirk asghar dans Ar-Rububiyya, c'est yani, que cette forme de shirk dans Ar-Rububiyya se produise seulement par une parole, sans que ce soit dans une croyance dans le cœur. Ou bien que ça se produise par une parole et une croyance, mais sans qu'on croit qu'il y ait une équivalence ou une égalité entre Allah et sa création. Donc dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Bon, je vais répéter encore une fois. C'est le shirk mineur dans Ar-Rububiyya, c'est quoi? C'est que ça se produise par une parole, sans que ce soit relié à une aqidah, sans que ce soit relié à une croyance. Ou bien que ce soit une parole et une croyance, mais sans que ce soit dans le sens de mettre à égalité Allah et sa création. Donc, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur. Toutefois, si ça se produit avec une croyance et qu'en même temps on met l'égalité entre les deux, entre le créateur et la créature, dans le fait de contrôler tout ce qui se passe dans l'univers, dans ce cas-là, c'est une forme de shirk majeur. Et le cheikh, il donne des exemples. Ok? Il dit, umtirna, celui qui dit par exemple, umtirna, binou et kada wa kada, c'est-à-dire on a reçu la pluie de telle ou de telle étoile. Donc on apprend souvent dans les cours, dans les explications de tawhid, que les Arabes à l'époque, souvent ils croyaient que la pluie avant l'islam, les Arabes croyaient que la pluie tombait à cause des étoiles et que c'était les étoiles qui faisaient tomber la pluie. Donc celui qui dit par exemple on a eu la pluie à cause de telle ou telle étoile, ça rentre dans le shirk. Ça rentre dans le shirk. Sauf que ça peut être un shirk majeur ou bien ça peut être une forme de shirk mineur selon la croyance de la personne. Si la personne qui dit cette parole-là, elle croit que c'est l'étoile elle-même qui a contrôlé qui contrôle la pluie dans l'univers, ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Toutefois, si elle dit, on a reçu la pluie, mais il croit pas que c'est l'étoile qui fait tomber la pluie, mais il croit que c'est une cause qui a été un effet dans le fait que la pluie tombe. Dans ce cas-là, c'est une forme de shirk mineur, d'accord, puisque il a pas mis à égalité hein, l'étoile et Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'affirme pas que cette étoile-là a le contrôle dans l'univers. D'accord? Toutefois, il a donné à l'étoile une caractéristique ou un attribut qu'elle ne possède pas réellement, puisque l'étoile n'a pas de pouvoir dans le fait de faire tomber la pluie ou non, ou elle n'a aucun effet non plus dans le fait que la pluie tombe ou non. Donc, d'affirmer ça, c'est d'attribuer quelque chose qui est contraire à la réalité. Et il faut savoir donc que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui contrôle la pluie et qui fait tomber la pluie, et que c'est lui qui décide quand elle tombe et où elle tombe, et c'est lui qui contrôle les causes et les effets à ce sujet-là. Et de même que donc des exemples de choses comme ça. Par exemple, je donne un exemple aussi qui est courant aujourd'hui, Allah al-Musta'an, malheureusement, des gens qui, par exemple, portent des porte-bonheur ou des amulettes, ou bien des objets qu'ils portent comme ça, des chaînes ou des cordes ou des objets, et ils pensent que ça les protège contre le mauvais œil. Parfois, il y en a qui vont porter la main avec 5 doigts. Avec un œil au milieu, ou la pierre bleue, ils l'accrochent soit dans leur voiture, soit dans leur maison, soit dans leur restaurant, leur commerce, ou bien soit sur eux-mêmes ou sur leurs enfants, et ils pensent que ça peut repousser le mauvais œil ou des choses de ce genre. Et à ce sujet-là, les ulama ont dit que si la personne croit que cet objet a un pouvoir en lui-même de repousser le mal, ça c'est une forme de shirk akbar. C'est-à-dire, si quelqu'un croit que cet objet-là, elle repousse le mal et elle protège contre le haïn ou bien contre autre chose de ce genre, alors ça c'est une forme de shirk majeur qui fait sortir de l'islam. Toutefois, si la personne, elle le porte et elle dit cette chose-là, elle ne peut pas nuire ni profiter, sauf que c'est un moyen, une cause que Allah a créée et qu'on peut l'utiliser pour se protéger du Aïn ou des choses de ce genre, ça c'est une, dans ce cas-là c'est une forme de shirk asrar. C'est une forme de shirk asrar. Ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est quelque chose qui vient en opposition avec le tawhid. D'accord? Donc ça c'est en ce qui concerne le shirk dans ar-rububiyya et le shirk asrar. Shirk asrar dans ar-rububiyya. C'est de faire de quelque chose un moyen ou une cause, alors qu'il n'y a pas de preuve ni physique ni religieuse pour affirmer que cette chose-là est une cause ou un moyen pour repousser ou pour repousser un mal ou pour ramener un bien quelconque. Il faut savoir que dans l'univers, il n'y a rien qui peut agir excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que c'est Allah seul qui a le pouvoir sur toute chose. D'accord? Et qu'il n'y a rien qui peut nous profiter ou nous nuire, excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ça la aqida du tawhid par rapport à ar-rububiyya, dans cette catégorie-là. Donc le shaykh il dit, « وَالشِّرْكُ الْأَصْغَرُ فِي الْأُلُوهِيَّةِ مَنْ أَشْرَكَ مَعَ اللَّهِ غَيْرَهُ فِي الْعِبَادَةِ وَلَكِنْ يَعْتَقِدُ أَنَّ الْمَقْصُودَ الْأَوَّلَ وَالْأَكْبَرُ والأولى هو الله سبحانه وتعالى ولكن حصل منه قصد لبعض الناس حيث يرائي أمامهم بالصلاة وهو يصلي لله ويعتقد أن الصلاة لله ولكنه يزين الصلاة أمامهم فهذا قد أشرك من جهة التوحيد الألوهية شركا أصغر لا يخرج من الملة لأنه أصلا لا يقصد بالصلاة إلا الله وإنما طرأ عليه الرياء في أثنائها أو في أولها يزينها لهؤلاء ولكنه لا يقصدهم بها وهو لا يصرف الصلاة لهم وإنما يزينها لهم فهذا الشرك الأصغر هو الرياء. Le cheikh il dit que dans l'uluhiyya, dans le tawhid de l'adoration, il y a des formes de shirk mineurs qui peuvent se produire également dans l'adoration. Et il dit que c'est d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans l'adoration. Toutefois, à la base, la aqidah qui est reliée à cette adoration-là, en premier et la plus grande intention est dirigée vers Allah seul et en premier. Sauf que, à l'intérieur de cette adoration, il y a, disons, une forme d'intention qui s'est tournée pour certaines personnes ou certains individus. Comme par exemple, la personne qui fait la salat devant les gens pour se faire voir. Donc elle prie pour Allah subhanahu wa ta'ala et elle croit que cette prière est offerte à Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'est-ce qu'il fait? Il embellit sa salat. Il embellit sa salat pour avoir l'éloge des gens et pour que les gens lui fassent des compliments. Donc, et celui qui fait ça, eh bien, il a fait le shirk dans Tawhid al-Uluhiyya, mais c'est un shirk mineur. C'est une forme de shirk mineur qui ne le fait pas sortir de l'islam. Toutefois, il ne faut pas se laisser tromper par l'appellation shirk asrar. Il y a des gens qui, quand on leur dit « Ah, ça c'est shirk asrar », ils prennent la chose à la légère. Ils vont dire « Ah, mais c'est shirk asrar ». Non, les ulama ont dit « Le shirk asrar, c'est plus grand comme péché que les kaba'ir. C'est plus grave comme péché que les kaba'ir ordinaires. » Parce que Allah les a appelés shirk. Donc, même si ce sont des péchés, même si ça ne fait pas sortir de l'islam, mais c'est quand même parmi les plus graves péchés. Et ça fait que cet acte que tu as fait, Allah ne va pas l'accepter. Allah ne va pas te récompenser pour cette adoration-là que tu as fait dans le but de te faire remarquer ou de te faire voir. Et une action dans laquelle il y a du riya. Donc, le cheikh il dit que cette personne ne sort pas de l'islam parce que à la base son intention c'était pas d'autre que Allah, c'était uniquement d'adorer Allah. Puis pendant l'action, il y a un peu d'ostentation qui s'est introduite dans sa prière ou dans son adoration ou dans la chose qu'elle faisait pendant qu'elle la faisait, ou bien au début, il l'embellissait pour eux, mais à la base c'était pas eux, leur intention, c'était plutôt de prier pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils n'offrent pas la salat à eux, ils n'offrent pas la prière à autre que Allah, mais ils font seulement l'embellir pour eux. Et ça, c'est une forme de shirk mineur, et c'est ça qui est riya. Wa qad ashara ibn al-qayyim al-jawziya anna alladhi yu'tabaru shirkan asghar fi al-ibada huwa yasiru riya. ومفهومه أن كثير الرياء يخرج بصاحبه إلى الشرك الأكبر. Donc le cheikh il mentionne que le cheikh Ibn al-Qayyim al-Jawziya, il dit que qu'est-ce qui est considéré comme étant shirk asghar dans l'adoration, c'est la petite quantité ou le peu de riya, mais que si ça devient trop important, que le riya devient trop important, que là, dans ce cas-là, ça peut même amener au shirk majeur également. Puisque la personne, elle fait tellement le riya qu'à la fin, elle le fait que pour autre que Allah. Donc, dans ce cas-là, ça va être une forme de shirk majeur. Le shaykh, il dit, « Amma shirk fi asma'illahi wa rububiyatihi an tasifa ghayr Allah ou tusammi ghayr Allah bima la yaliqu إلا بالله سبحانه وتعالى أما الشرك في أسماء الله وربوبيته أن تصف غير الله أو تسمي غير الله بما لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى فإذا سميت غير الله أو وصفته بما هو لله سبحانه وتعالى فقد جعلت لله سميا وجعلت لله ندا مساويا له في صفات الكمال وهو سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فإذا اعتقدت أن هناك غير الله كالله في هذه الأسماء أو في هذه الصفات فأنت قد أشركت بالله شركا أكبر تخرج به من الملة أو تخرج به من الملة من جهة الأسماء والصفات أما إذا أطلقت الاسم ولا تقصد أنه مساو إنما الله أعظم والله أعلى وإن صدر منك مثل هذا فأنت قد أشركت بالله من جهة الأسماء والصفات شركا أصغر وقد يكون بالقول مثل قول الرجل ما شاء الله وشئت أو ما شاء الله وشاء فلان أو يا محمد يعني في حياته صلى الله عليه وسلم إنا نستشفع بك إلى الله ونستشفع بالله إليك ونحو ذلك. هذا كله يدخل من باب الشرك الأصغر في الأسماء والصفات إذا كان مجرد لفظ باللسان. Donc le cheikh il explique que en ce qui concerne le shirk dans les noms et dans les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans sa rububiyya, dans sa souveraineté, c'est de décrire autre que Allah ou d'appeler autre que Allah subhanahu wa ta'ala par ce qui ne peut être offert comme nom que à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si tu nommes quelqu'un d'autre qu'Allah par ces noms-là ou par ces attributs-là, alors tu as donné un équivalent à Allah subhanahu wa ta'ala et tu as mis une créature à égalité avec Allah. Tu as donné un nid, hein, ou un sami à Allah subhanahu wa ta'ala, et donc tu lui as offert des attributs de perfection. Et ça, c'est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, « Laysa ka mithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir » Il n'y a rien qui lui soit pareil ou semblable, et il est l'audient et le voyant. Donc si tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre que Allah qui est comme Allah, dans ces noms-là et dans ces attributs-là, alors tu as commis une forme de shirk majeur qui fait sortir de la religion, hein, dans les noms et dans les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si par contre tu as donné un nom sans avoir l'intention de mettre une égalité entre les deux, c'est-à-dire tu as donné à quelqu'un un nom d'Allah mais sans avoir l'intention de le mettre à égalité avec Allah subhanahu wa ta'ala, tu crois uniquement que Allah est le plus grand et qu'il est le plus haut, mais que tu as fait cette équivalence-là dans la parole seulement, donc dans ce cas-là, tu as fait une forme de shirk dans les noms et dans les attributs d'Allah. Toutefois, c'est une forme de shirk mineur. Hein, et ça peut être dans la parole comme dans les paroles suivantes qui sont mentionnées dans certains hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réprimandé celui qui disait ces choses-là. Comme par exemple, قول الرجل, lorsqu'un homme dit ma sha Allah wa shit, il y a un homme qui est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et quand il lui a parlé, il lui a dit ma sha Allah wa shit, ce que Allah veut et ce que tu veux, yani ce que Allah et toi voulez. Donc c'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ça, il a réprimandé cet homme. Il lui a dit أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. Hein? C'est-à-dire, l'homme a dit ce que Allah et toi voulez. Et le prophète m'a dit, est-ce que tu veux me mettre un égal avec Allah? Tu veux me mettre à égalité avec Allah? Dis seulement ce que Allah veut lui seul. Hein? Donc, de dire ce que Allah et toi voulez, ça fait comme s'il y aurait une égalité entre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien entre Allah et la personne qu'on associe avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cette raison-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a montré que lorsqu'on veut dire quelque chose dans ce sens-là, puis qu'on veut éviter l'ambiguïté de mettre une égalité entre les deux, au lieu d'utiliser le terme « waouh », on doit utiliser le terme « thumma ». « Masha'Allah, thumma shi'ta ». C'est-à-dire, pour qu'il y ait un décalage entre les deux et pour qu'on sache qu'il n'y a pas d'équivalence et d'égalité entre les deux, entre la créature et le créateur. Donc, on dit ce que Allah, puis ensuite ce que toi, tu veux. Pour qu'on sache qu'il n'y a pas d'égalité entre les deux, que ce n'est pas équivalent. Parce que la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est suprême. Elle est au-dessus de toute autre volonté. Hein? Et il n'y a rien qui peut opposer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Et notre volonté à nous, elle est toujours limitée et soumise à la volonté suprême d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc de dire « Masha'Allah wa sha'a fulan », c'est de mettre la volonté d'Allah et la volonté d'une créature à égalité. Hein? Donc bien entendu, c'est quelque chose qui n'est pas permis. Et si c'est que la personne le dit seulement comme ça dans sa parole sans y croire, dans ce cas-là, c'est shirk asghar. Mais si elle le dit et elle croit réellement que cette personne-là, sa volonté est équivalente à la volonté d'Allah, hein, et qu'elle peut opposer la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala ou des choses de ce genre, ça, dans ce cas-là, c'est shirk asghar, akbar. Dans ce cas-là, ça va être shirk akbar, hein, puisqu'il a mis la volonté d'une créature équivalente ou au-dessus de la volonté du Créateur, subhanahu wa ta'ala. Et la même chose dans la parole, par exemple, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam était vivant, quelqu'un est venu et il a dit « Ya Muhammad », hein, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelqu'un est venu et il a dit « Ya Muhammad, inna nastashfi'u bika ilallah, wa nastashfi'u billahi ilayk ». Ça veut dire « Oh Muhammad, nous te prenons comme intercesseur auprès d'Allah », c'est-à-dire on te demande à toi pour que tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, hein, comme si pour que tu fasses un dua à Allah subhanahu wa ta'ala pour nous, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il intercède auprès de toi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit comme si pour réprimander et condamner la parole de cette personne, il a dit: subhanallah, comment tu peux dire que Allah subhanahu wa ta'ala va intercéder auprès de moi, hein, que tu demandes à Allah pour que lui intercède auprès de moi, hein, pour qu'il me demande à moi pour faire quelque chose pour vous? Non, parce que là, quand tu fais ça, c'est comme si tu mets Allah en dessous de, hein, de la créature, hein, et que la créature est au-dessus du créateur, et donc ça, c'est pas permis. Et c'est pour cette raison-là que le prophète a interdit, hein, d'utiliser cette expression-là, de dire « nastashfi'u billahi ila makhluq » ou « ila makhluq », c'est-à-dire auprès d'une créature, que Allah intercède, ou de demander à Allah pour qu'il intercède auprès d'une créature, des choses de ce genre. Na'am, wa nahwi dhalik. Donc, le cheikh dit tout ça sont des formes de shirk asrar dans les noms et dans les attributs, si ça se fait uniquement par la langue, c'est-à-dire tant que ça se limite à une parole. Mais si c'est relié à une croyance d'équivalence entre le créateur et la créature, là, dans ce cas-là, ça devient une forme de shirk majeur. D'accord? Et le cheikh dit وَلْيُلَاحِظْ أَنَّ هَذَا الْحُكُمْ عَلَى النَّوْعِ وَلَا يُنْزَلُ عَلَى الْمُعَيِّنِ إِلَّا بعد إقامة الحجة بثبوت الشروط وانتفاء الموانع. Donc le cheikh il dit que il faut juste faire remarquer un point ici en passant, c'est que tout ce qu'on a mentionné jusqu'à maintenant, ce sont des verdicts de shirk, soit majeur ou mineur, qui sont appliqués de façon générale, hein, de façon générale. Et qu'on n'a pas le droit d'appliquer ces règles-là et ces principes-là à des individus précis ou particuliers, excepté après avoir établi la preuve contre l'individu et après avoir vérifié que les conditions sont présentes en cette personne pour pouvoir dire à son sujet qu'elle est un mouchrik, et que tous les obstacles, les empêchements sont éliminés, hein, de cette personne. Et on va donner les exemples de ces conditions-là. C'est quoi ces conditions qui doivent être vérifiées avant de pouvoir appliquer ce verdict-là sur un individu en particulier? Parce que des fois, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont lire un livre sur le tawhid et ils vont entendre que les ulama disent « Celui qui fait telle chose, il est mushrik. Celui qui dit telle chose, il est kafir ou mushrik. » Et eux, ils vont prendre ces paroles-là, qui sont des paroles, c'est-à-dire en réalité ce sont des règles, hein, ce sont des règles générales, ils les prennent et ils les appliquent à des individus. Toutefois, avant que ces règles-là soient appliquées à des individus, il y a des choses à prendre en considération et à analyser pour qu'on puisse dire d'une personne en particulier qu'elle est elle-même mushrik, puisque il y a beaucoup de subtilités, il y a beaucoup de détails à prendre en considération avant de le faire. Et parfois, nous, on prend les choses à la légère. Et on prend les choses de façon très simpliste. Alors que parfois, les choses sont très détaillées et nécessitent beaucoup de compréhension et d'analyse. Et c'est pour cette raison-là que les ulama, ils disent que le verdict ou le fait de dire à propos de quelqu'un qu'il est kafir ou qu'il est mouchrik, c'est très difficile, et c'est très compliqué, et c'est très grave de le faire. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut faire attention. Donc, il ne faut pas prendre les paroles des ulama dans les livres quand ils disent « celui qui fait ça, il est kafir, celui qui dit ça, il est mouchrik ». Hein? Puis que, de penser qu'on peut l'appliquer directement sur les personnes. Et c'est pour ça que les ulama ils disent une personne, on peut pas dire d'une personne qui dit une parole de kouf qu'elle est kafir nécessairement, ou qui fait un acte de kouf qu'elle est nécessairement kafir ou mushrik, tant que on n'a pas vérifié que les conditions soient applicables sur cette personne et qu'on a éliminé les empêchements. Et donc le cheikh dit wal maqsoud bi thubut ash-shurut husul al-ilm al-munafi lil-jahl وحصول الإرادة المنافية لعدمها والمقصود بانتفاء الموانع الأمور التالية انتفاء الجهل المنافي للعلم انتفاء الخطأ انتفاء الإرادة بالإكراه وانتفاء التأويل. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par les conditions? Pour qu'on puisse appliquer ce verdict sur un individu, il faut qu'on ait vérifié que les conditions sont présentes en cette personne. Hein? Bon, avant de mentionner ces exemples-là, déjà il faut comprendre une chose, c'est que, premièrement, il faut savoir que qu'est-ce que la personne a dit, ou qu'est-ce qu'elle a fait. Il faut être certain qu'il y a une preuve dans la révélation qui montre que c'est shirk ou kufr. Déjà, il faut qu'il y ait un dalil à ce sujet-là. Ensuite, une fois qu'on a trouvé qu'il y a un dalil, hein, il faut savoir que est-ce que cette action-là et cette parole correspond réellement à ce qui est mentionné dans ce hadith. Hein, il faut vraiment vérifier comme il faut pour voir s'il y a une correspondance entre les deux. Maintenant, le cheikh, il mentionne comme condition, il dit il faut être sûr que la personne, elle a la connaissance qui vient en opposition avec l'ignorance, c'est-à-dire il faut que la personne sache que cette chose-là qu'elle fait, hein, c'est shirk ou kufr. Peut-être que la personne elle l'a fait, elle savait même pas. Hein. Et il faut savoir également que la personne elle l'a fait volontairement cette action-là, par opposition à une personne qui ferait quelque chose par contrainte. Ou bien une personne qui a perdu la raison, qui est devenue folle, qui dit des paroles sans réfléchir, ou qui ne possède pas ça. Il y en a ces moyens, ou c'est, comme on dit, qui est déficiente intellectuelle, qui n'a pas le contrôle de qu'est-ce qu'elle dit ou de qu'est-ce qu'elle fait. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le fait d'enlever les empêchements, ou d'éliminer les empêchements? C'est les choses suivantes. Le fait de faire en sorte qu'on a vérifié que l'ignorance est éliminée, que la personne n'est pas une personne qui est ignorante. Deuxièmement, vérifier que la personne n'a pas fait cette chose-là par erreur. Hein? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata wa nisyan wa mastukrihu alayhi » Allah subhanahu wa ta'ala, il passe par-dessus les erreurs des gens qui font des péchés par erreur, qui se trompent, ils font quelque chose, ils pensaient que c'était bon, mais ils se sont trompés, ou bien par oubli, hein, ils n'ont pas fait ça, ils n'ont pas abandonné quelque chose parce qu'ils voulaient, mais parce qu'ils avaient oublié. Wa mastukrihu alayhi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on leur, on les a forcés à faire quelque chose contraire à leur gré, contraire à leur volonté, où on les a empêchés de faire quelque chose qu'ils devaient faire par la contrainte. Hein? Et ça c'est la troisième justement, intifa ul irada bil ikra. L'ikra c'est la contrainte. Et intifa ul ta'wil, c'est-à-dire de vérifier que la personne elle n'a pas une erreur dans son interprétation. Parce que parfois, ça se peut qu'une personne elle n'a pas voulu intentionnellement ou volontairement opposer les textes de l'islam, mais elle a une mauvaise, elle a fait une mauvaise interprétation des textes, et à cause de cette mauvaise interprétation là, elle est tombée dans l'erreur. Donc il faut clarifier à la personne cette chose là pour être sûr que, hein, elle a bien compris les textes. Donc le cheikh il dit man balagha al-islam bi suratin sahiha aw amkanahu as-su'al anhu wa ma'rifatuhu 'ala al-haqiqa ففرطَ وتساهلَ وصدرت منه أمور من الشرك من شرك العبادة فإنه لا يعذر بجهله لأن محل العذر بالجهل إنما يكون بعد بذل ما يمكنه للتعلم ومعرفة الحق ولا يكون مسلما ولا يعذر بالجهل في هذه الحال لأن حقيقة الإسلام هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومعنى هذا أنه فرط في معرفة معنى الشهادة وهي أصل الدين وحقيقته توحيد العبادة لله وحده دون سواه فهو لم يحقق الدين أصلا والله المستعان. Donc le cheikh il explique un point qui est important, et on va terminer avec ça inshallah. Le cheikh il dit celui que l'islam l'a atteint, c'est-à-dire il a reçu l'information de ce qu'est l'islam dans sa forme exacte et correcte et authentique. Il a entendu parler de l'islam, on lui a expliqué, on lui a présenté correctement. Ou bien il a eu la possibilité et la capacité de poser la question au sujet de l'islam et de connaître la réalité de l'islam, mais il a négligé, il a fait preuve de négligence, ou bien il a pris les choses à la légère, et que par la suite il a commis certains actes de shirk dans l'adoration, alors celui-là ne sera pas excusé pour son ignorance. Pourquoi? Parce que il a reçu l'information déjà. Ou bien, il a pas reçu l'information, mais il avait la capacité de poser la question. Il y avait des savants autour de lui, il y avait des références autour de lui, il y avait des livres disponibles, il y avait des audios disponibles, il y avait des choses qui étaient là autour de lui qui lui permettaient de connaître la réalité de ce tawhid et de l'islam. Puis, il a fait preuve de négligence. Il s'est écarté, ou bien il a négligé ça. Hein? Il ne s'est pas intéressé à connaître ça. Donc, dans ce cas-là, le cheikh, il dit, dans ce cas-là, il n'est pas excusé d'être ignorant du tawhid. Il n'est pas excusé d'être tombé dans le shirk. Parce qu'il avait la capacité d'apprendre et la possibilité d'apprendre et tous les moyens possibles d'apprendre, hein, et de connaître la vérité. Donc, le cheikh, il dit, quelqu'un ne peut pas être considéré comme étant un musulman et ne peut pas être excusé de son ignorance dans un cas pareil, dans une situation pareille. D'accord? Parce que la réalité de l'islam, c'est quoi? C'est la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, c'est-à-dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et Muhammad est le messager d'Allah. Donc si quelqu'un ignore ça, qu'est-ce que ça signifie? Et il n'a pas d'intérêt à essayer de connaître qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça représente. Alors, ça veut dire qu'il n'a même pas connu même la base de l'islam. Il n'a même pas connu la réalité même de cette religion. Et donc, c'est-à-dire qu'il a négligé la base même de cette religion et de cette croyance. Donc, c'est-à-dire la réalité de l'islam qui est le fait d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans son adoration et de l'adorer lui seul en dehors de toute autre chose. Donc cette personne qui a négligé ça, c'est comme s'il n'a même pas accompli ou réalisé la base ou le fondement même de cette religion. Wallahu al-musta'an. Donc ça c'est un petit point en passant sur la question de, hein, qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-uzru bil-jahl, c'est-à-dire le fait d'être excusé pour son ignorance. Et plus loin dans le livre, le cheikh, on va revenir sur ce point-là, plus loin, le cheikh il va rajouter encore plus d'explications, puis il va citer même des paroles des ulama à ce sujet-là, pour faire comprendre mieux cette question-là. Parce que des fois, les gens, ils posent la question, qu'est-ce qui se passe de certains musulmans dans tel ou tel endroit où les gens font ça. Et ils demandent, est-ce que ceux-là sont musulmans, est-ce qu'ils ne sont pas musulmans, ainsi de suite. Premièrement, comme on l'a dit, il faut savoir que ces choses-là qu'on a mentionnées sont des choses, des verdicts généraux, premièrement. Ce n'est pas des verdicts qui s'appliquent aux individus en tant que tels. Tant qu'on n'a pas établi que les conditions sont présentes et qu'on a éliminé les empêchements. Les empêchements qui nous empêchent d'établir que cette personne-là est dans cet état-là de shirk ou de kufr majeur. Et ensuite, il faut comprendre que quand on parle d'éliminer l'empêchement de l'ignorance, par exemple, une personne qui est ignorante, on ne peut pas dire d'elle qu'elle est mushrik. C'est pas n'importe quelle ignorance. C'est l'ignorance d'une personne qui n'avait pas la possibilité d'apprendre ou de connaître le vrai message de l'islam. Quelqu'un qui était loin de tous les savants, loin de la religion, loin des ulama, dans la brousse, ou dans des montagnes, ou dans les villages, loin. Les gens, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'islam. Parmi eux, peut-être qu'il y a des gens qu'ils considèrent, eux, comme des ulama ou des shuyukh, qui font ces actes de shirk. Parfois, ils ne savent pas que c'est du shirk ou des choses de ce genre. Ceux-là peuvent être excusés pour leur ignorance. Mais les gens qui sont en pleine ville, où il y a des livres, où il y a les cours, où il y a les audios, où il y a les références et tout, et puis qu'eux disent, ah, mais ce sont des ignorants. Non, ils ont peut-être ignoré des choses, mais c'était parce qu'ils ont voulu l'ignorer, ou bien parce qu'ils n'ont pas fait d'effort du tout pour essayer de le comprendre, puisque le tawhid, il est dans le Coran. Il est dans le Coran et il est dans la sunna. Il n'y a pas un verset, ou une sourate où il n'y a pas des dizaines et des centaines de versets qui parlent de la ilaha illallah et qui expliquent qu'on ne doit pas adorer d'autres avec Allah. Et même le témoignage, la ilaha illallah, si on le comprend réellement, on sait tout de suite que ça implique qu'on ne doit rien adorer excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cette raison-là même que les gens de Quraysh ont combattu le prophète sallallahu alayhi wa sallam à cause de ça, à cause de la ilaha illallah. Parce que pour eux, juste à l'entendre cette parole, juste à entendre la ilaha illallah, c'était pour eux la signification qu'ils devaient abandonner leurs idoles, abandonner leurs croyances. Tandis qu'aujourd'hui, des musulmans pratiquent parfois la même chose que les gens de Quraysh. Ils adorent des idoles et des tombes, et ils continuent à dire la ilaha illallah, parce qu'ils ont oublié qu'est-ce que la ilaha illallah signifiait. Puisqu'ils disent la ilaha illallah, puis ils font le contraire de la ilaha illallah. C'est-à-dire, Allah dit, dans la ilaha illallah, on dit, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis eux, ils adorent tout en dehors d'Allah. Donc c'est le contraire de la ilaha illallah qu'ils sont en train de pratiquer. Donc, en particulier pour les gens qui viennent des pays musulmans où ils ne connaissent pas l'arabe. Et quand je dis l'arabe, c'est pas parler un dialecte arabe, mais je parle de parler l'arabe, fusha, yani l'arabe du Coran. Parfois, il y a des musulmans dans les pays arabes, ils ne comprennent pas l'arabe classique, ils comprennent seulement l'arabe dialecte. Et surtout les personnes dans les petits villages qui vivent éloignés, qui sont pas éduquées, qui n'ont pas étudié l'arabe classique, eh bien, parfois ils vont réciter le Coran, ils savent lire et écrire les lettres, mais ils ne comprennent pas la signification de qu'est-ce qu'ils récitent. Et également, des gens qui vivent dans des pays musulmans, que leur langue maternelle, c'est pas l'arabe. Comme par exemple des pays de l'Afrique de l'Ouest, ou des pays de l'Asie, ou d'autres, que ces gens-là vivent parfois, ils sont éloignés de l'arabe, et même si on leur récite, parce que souvent ceux qui leur expliquent l'islam, ce sont leurs imams ou leurs shuyukh, qui parfois eux-mêmes font partie de certaines sectes, ou de certains groupes, ou de certaines turq soufiyas, qui leur déforment la réalité de l'islam. Et donc ceux-là, peut-être qu'on peut dire dans ces cas-là, oui, ils sont excusés du fait qu'ils n'ont aucun moyen pour accéder à la connaissance de l'islam qui est authentique. Toutefois, lorsque la connaissance leur est parvenue et qu'on a établi la preuve contre eux et qu'ils persistent à vouloir continuer ces pratiques de shirk et à défendre le shirk et l'adoration des morts et des tombes, alors là, dans ce cas-là, c'est autre chose. Là, on pourra dire que ce sont des gens qui, ils ne sont pas musulmans, ce sont des mushrikines, puisqu'ils ils persistent à adorer les morts et les tombes et autres que Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant ça, on ne peut pas dire hein, de cette façon-là. Et de toute façon, comme je vous ai dit, il y a des explications détaillées des paroles des ulama sur cette question-là pour être capable de comprendre la position à prendre qui est correcte à ce sujet-là, inshallah. Donc on va s'arrêter maintenant. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.